Chapitre 5e. Adrienne. Adrienne de Taïcous avait épousé à 18 ans le duc de Bussiardin. Adrienne était belle comme un rêve et unique héritière d'une grande fortune. Le duc comptait 53 ans sonnés et avait un blason à redorer. Il aimait médiocrement sa femme, qu'il laissait absolument libre et qu'il traitait en sœur. Le mariage avait été pour lui un mariage de blason qui lui permettait de continuer la vie de gentilhomme aux courses et dans les soupers. La noblesse des Taïcous et des Bussiardins remontait à l'invasion des Français en Italie sous Charles VIII. Les Bussiardins étaient génois d'origine. Le marquis descendait en droite ligne de Georges Bussiardin, envoyé autrefois par Alphonse, roi de Naples, solliciter l'alliance de Bajazet. Les Taïcous tiraient leur nom du comté de Taïcous, occupé par Fabrice Colonne, avant le départ de Rome pour la Sicile, du roi de France qui venait de se réconcilier avec le pape. En épousant le duc, Adrienne avait renoncé au mariage de passion qu'elle était en droit d'attendre à son âge, belle et titrée. Au reste, elle n'avait pas compris la grandeur du sacrifice. Une envie effrénée de liberté lui avait fait vaincre la répugnance de s'unir à un vieillard dont elle connaissait le caractère tolérant. Aussi avait-elle fait ses conditions. « Je serai la duchesse de Bussiardin tout en restant votre sœur », avait-elle dit avec une mutinerie charmante et un regard assez significatif. « Ma mignonne, avait répondu le futur mari, je sais trop les égards qu'on doit aux femmes pour contrevenir en rien à vos volontés. Vous aurez vos appartements. » Leur hôtel était situé rue de l'Oratoire, entre cour et jardin, dont l'entrée se trouvait dans l'avenue des Champs-Élysées. Il y avait déjà 18 mois qu'ils étaient mariés. Le marquis avait tenu ses promesses. Sa femme jouissait d'une liberté complète. Elle allait dans le monde, recevait, voyageait, courait tous les plaisirs. C'était une folle amoureuse de la vie parisienne. À tort ou à raison, on faisait courir bien des bruits sur son compte. Courtisée, adulée, adorée, elle laissait dire les nigauds à tranches dorées. En contemplant ce visage toujours virginal au sein même du tourbillon des plaisirs, les hommes sérieux pressentaient des ouragans dès que leur cœur parlerait. Adrienne était une de ces beautés qui ont tant d'apparence céleste qu'on s'afflige de les voir femmes. Elle attirait tous les regards. Un murmure flatteur la saluait sur son passage. Elle, cependant, retranchée dans une sorte de dédain, quoique folle d'allure, acceptait tous ces hommages sans jamais s'étonner. Sur son front blanc et pur comme celui d'une madone tenant son enfant, jamais un nuage n'avait passé. Une chevelure opulente aux reflets de paillettes scintillantes le caressait seul de ses ombres chaudes. Mutine et rieuse, sa bouche devenait tout à coup béate et presque extatique. Alors, ses yeux de charmeresse, velours bleu sur des globes nacrés, se perdaient dans l'infini. Adrienne était la plus jolie rieuse d'un salon. Elle eût pu être la plus rêveuse des filles d'Ève en écoutant un sermon. Au reste, ces contrastes passagers n'étaient apparents que pour ceux qui observaient sérieusement. Pour tous, en général, elle passait pour la femme la plus adorablement coquette, la plus exquise parisienne. Cette femme, connue dans le monde entier pour ses mœurs faciles, recherchée par tous pour son commerce si plein de charme, cette femme, jalousée par la provinciale, qui ne la connaît que de nom et cherche en vain à l'imiter tout en la décriant. Adrienne allait avoir 20 ans, insouciante comme une femme sans rêve ni passion. Depuis 2 ans à peu près qu'elle était mariée, elle soufflait les préjugés et s'amusait à rompre en visière avec toutes les idées reçues que le monde respecte, du moins pour les apparences. Elle avait soif de paraître et d'apprendre. Elle eût souhaité le don d'ubiquité afin d'être partout à la fois. Pourquoi n'eût-elle pas formé ce vœu, puisqu'elle ne s'inquiétait jamais de ce qu'on disait ou pouvait dire? Avait-elle déjà taché ses pieds blancs, ou sa robe seule avait-elle été maculée? La vie de plaisir ne tarde pas à n'avoir plus de secrets pour une femme comme la jeune duchesse de Bussiardin. Toutefois, nature fine et délicate, elle sentit un vide dans son âme au moment où la coupe débordait. Elle s'étonna tout à coup de s'être trouvée heureuse. Et cependant, que lui manquait-il? Elle l'ignorait. Des amants? En était-elle donc déjà arrivée à la satiété? On lui en avait donné tant. La jeune fille passait-elle dans la période de la femme? Cette énigme, que malgré elle, elle cherchait à déchiffrer lorsqu'elle était seule, elle en avait trouvé le mot le jour où elle vit Gaston pour la première fois. Elle comprit qu'elle mentait à son rôle de femme. Il manquait un but à son existence. Un nouvel horizon sans bornes se laissait entrevoir, et cet horizon, c'était l'inconnu. Adrienne n'avait jamais aimé les femmes. Ses amitiés de soirée, sourires sur des bouquets, grimaces dans les glaces, la révoltaient. Elle avait une préférence marquée pour les cercles où les hommes étaient en majorité. Encore jeune fille, elle ne comprenait que deux sociétés, celle des femmes âgées et celle des hommes. Ce goût attestait la rectitude de son jugement. Une seule femme s'était liée à elle d'une manière intime, c'était Madame de Neuburg. Ancienne amie du duc, elle avait voulu chaperonner la jeune femme. Adrienne avait supporté le joug sans trop s'en apercevoir. Madame de Neuburg prenait tant de soin à lui faire apprendre la vie, mais elle ne l'aimait pas. De son côté, Madame de Neuburg la haïssait tout en la nommant « chère âme ». Dès l'âge de 16 ans, elle avait deviné que les amitiés de jeunes femmes sont presque impossibles. La mariée de 18 ans jugeait la femme de 30 ans. Cependant, la baronne et elle étaient devenues inséparables. De son côté, Madame de Neuburg voulait faire de cette âme vierge et inconsciente de souillure une chose sienne. Elle cherchait une occasion de l'unir à elle par un lien que la jeune femme ne pourrait plus briser quand elle en aurait l'envie. On doit ajouter qu'elle avait affaire à forte partie, car Adrienne ne faisait que la subir. La duchesse de Bussiarda ne s'était pas dissimulée dans quel but son amie lui avait souvent présenté plusieurs jeunes gens. Elle n'avait pas pu la dominer directement, elle espérait y arriver par l'amant. Madame de Neuburg n'avait pas été sans s'apercevoir de l'imperceptible changement qui s'opérait dans l'esprit de sa protégée. Les femmes ont à l'égard des passions et des sentiments une intuition qui manque à l'homme le plus perspicace. Adrienne n'avait pas encore de passion, mais son esprit flottait dans le vague. En un mot, elle en cherchait une. La baronne crut triompher. Si l'on fût venu dire à la jeune duchesse « Vous aimez », sa bouche mutinérieuse eût souri. Si un ami sincère lui eût dit « Adrienne, vous êtes sur le point d'aimer, ou du moins vous le désirez », sa réponse eût été « À quoi bon ?» Et cependant, elle eût réfléchi à ce mot « aimer » qu'elle n'avait jamais soupçonné qu'on pût conjuguer, et elle lui murmurait « Peut-être ». Si sa conscience, ce juge qui ne trompe jamais, bien qu'on en dise, lui eût crié « Adrienne, tu aimes ?» Adrienne eût dit tout bas « Oui ». Le jour du rendez-vous des Tuileries, en ne voyant pas Gaston, elle ressentit un malaise inconnu jusqu'alors. Elle aimait, elle se trouva heureuse. Les 2 années qui venaient de s'écouler lui parurent d'un vide affreux. Le coup de foudre qui, sous forme de passion, avait instantanément frappé le cœur de Gaston au bois, n'avait été pour elle qu'un léger fluide, qui avait caressé son visage par un léger bien-être. À cette heure, la foudre rendait son contre-coup. En quittant Narsac, elle avait, comme nous l'avons dit, été chez la baronne. Celle-ci, qui n'était autre que le domino violet, lui demanda si l'intrigué du bal était venu. « Vous croyez donc, baronne, qu'on conserve un gage sans le rapporter ?» répondit Adrienne, en affectant de sourire et en montrant la bourse. « Chère petite, vous ne connaissez pas les gens de lettres. Du moins, c'est un bohème, à ce que m'a dit M. Narsac. Vous leur en voulez donc bien, à ces pauvres écrivains. Je crois cependant que M. Narsac, dont vous me parliez tout à l'heure, et que vous aimez assez, est un de ces gens-là. Soit, ma jolie friponne, repartit Madame de Neuburg avec un air câlin. Vous les aimez aussi, peut-être beaucoup plus que moi. Vous préjugez beaucoup, baronne. J'ai voulu une intrigue vulgaire à l'opéra. J'en ai une comme tout le monde. Je suis contente. Au bal, on se permet tout. Quant à revoir mon rêveur, peut-être l'année prochaine, au bal de l'opéra. D'ailleurs, vous me connaissez assez pour voir que je ne me lis facilement qu'avec les gens du meilleur ton. Or, en carnaval. Pardon, ma blonde enfant, nous en faisons partie nous-mêmes de ces masques, mais je tiens à vous faire voir de plus près votre passion de la nuit. Vous savez que je donne un bal samedi. Il y sera. Madame de Neuburg observait Adrienne. L'attention que la jeune femme prêta à ces derniers mots ne lui échappa pas. « Le caprice est une passion, » pensa-t-elle. « Tous ceux qui viennent chez vous sont des gens de fort bon air, » répondit la duchesse avec dépit. « Vous le connaissez donc ?»« Nullement. Mais vous savez, on a besoin de danseurs, et l'invitation d'un jeune homme ne signifie rien. je le ferai inviter par M. de Narsac. » Adrienne éprouvait un dépit insensé. Elle se leva pour prendre congé de la baronne. « Je n'ai pas besoin de vous demander si vous viendrez, » ajouta-t-elle en embrassant la jeune femme. « Je mettrai mes diamants, et mon plus beau ne saurait me faire défaut. »« Toujours gracieuse, » répliqua Adrienne. À peine avait-elle achevé ce mot que le sourire diabolique de Madame de Neyburg se refléta dans une glace.